Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 49. Des effets de la passion du Christ. La passion du Christ nous a délivrés du péché, de l'esclavage du démon, et de la damnation éternelle. Elle nous a réconciliés avec Dieu, et ouvert la porte du ciel. Elle a mérité au Christ lui-même sa propre exaltation. 1. Avons-nous été délivrés du péché par la passion du Christ? Il est écrit, il nous a aimés, il nous a lavés de nos péchés dans son sang. Apocalypse 1, 5. La passion du Christ nous délivre du péché de trois manières. D'abord, par mode d'exhortation à la charité, qui nous obtient le pardon de nos fautes, selon cette parole, beaucoup de péchés lui sont remis, pour avoir beaucoup aimé. Luc 7, 47. Ensuite, par mode de rédemption. Chef du corps mystique de l'Église, dont nous sommes les membres, le Christ, en souffrant par charité et par obéissance, nous a délivrés du péché. À peu près comme si un homme se rachetait d'une faute commise par ses pieds au moyen d'une œuvre méritoire accomplie par ses mains. Enfin, par mode de cause efficiente instrumentale, en tant que la chair dans laquelle le Christ a souffert servait d'instrument à la divinité, qui lui donnait une vertu infinie. Note. Quoique le Christ nous ait ainsi délivrés causativement dans sa passion, il est nécessaire que le principe universel de délivrance qu'il a posé nous soit appliqué pour la rémission de nos propres péchés, et c'est ce qui se fait par le baptême, par la pénitence et par les autres sacrements. La foi formée par la charité peut même suffire à elle seule, pour nous en appliquer les fruits. Fin de la note. 2. Avons-nous été affranchis de la puissance du démon par la passion du Christ? Le Sauveur, près de souffrir, disait, « Maintenant le prince de ce monde va être chassé de son empire. » Jean 12, 31. L'homme avait mérité d'être livré au pouvoir du démon, qu'il avait vaincu, or la passion du Christ, cause de la rémission des péchés, nous délivre d'une telle servitude. La justice de Dieu avait abandonné à la puissance de l'enfer l'homme rebelle et coupable, la passion nous réconcilie avec Dieu. Le démon, dans sa malice, cherchait à empêcher le salut de l'homme, la passion, à l'égard de laquelle il a dépassé la mesure de son pouvoir, nous procure, en revanche, notre liberté est la répression de sa puissance. Par conséquent, nous avons été affranchis de la puissance du démon par la passion du Christ. Note. La passion est un secours efficace contre les attaques de notre ennemi. Si nous la négligeons, elle n'en conserve pas moins sa vertu. Fin de la note. 3. Avons-nous été délivrés de la peine du péché par la passion du Christ? Il s'est véritablement chargé de nos infirmités, et il a porté nos douleurs. Isaïe 53, 4. Note. La passion nous a doublement délivrés de la peine du péché, directement, en tant que satisfaction suffisante et surabondante pour les péchés du genre humain, car, dès que l'on a satisfait, la punition n'est plus possible. Indirectement, comme cause de la rémission des péchés eux-mêmes sur lesquels repose la dette de la peine. Note. La passion n'a son effet en nous que tant qu'elle nous est appliquée par la foi, par la charité et par les sacrements, notamment par le baptême, qui nous rend conformes au Christ, selon cette parole. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui pour mourir au péché. Romains 6, 4. Aussi n'impose-t-on nulle pénitence satisfactoire aux nouveaux baptisés. Mais, comme le Christ n'est mort qu'une fois pour nos péchés. 1 Pierre 3 18, il n'y a pas lieu d'acquérir une seconde conformité avec sa mort par le sacrement du baptême. Conséquemment, ceux qui pêchent, après avoir reçu ce sacrement, doivent lui être rendus conformes dans sa passion, au moyen des peines et des souffrances qu'ils endurent eux-mêmes. Toutefois, par l'effet de ces satisfactions, il leur suffit d'une pénitence beaucoup moindre que celle qu'exigerait leur péché. Fin de la note. 4. Avons-nous été réconciliés avec Dieu par la passion du Christ? Saint Paul dit, « Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Romains 5, 10. La passion a été la cause de notre réconciliation avec Dieu de deux manières. Premièrement, en nous délivrant du péché, qui rend les hommes ses ennemis. En second lieu, en lui offrant un sacrifice capable de l'apaiser. Elle a été un si grand bien, qu'il consent à pardonner toutes les fautes de ceux qui s'y unissent. Ainsi l'homme, pour un hommage qu'on lui rend, consent à oublier une offense. Note. La passion a été consommée par des hommes très coupables, mais la charité du Christ a été plus grande que leur iniquité, et voilà pourquoi, loin d'indigner Dieu, elle l'a réconcilié avec nous. Fin de la note. 5. Jésus-Christ nous a-t-il ouvert le ciel par sa passion? Par le sang du Christ, dit l'apôtre, nous avons l'assurance d'entrer dans le Saint des Saints, Hébreux 10, 19, c'est-à-dire dans le ciel. Le Christ nous a délivrés, et quant à l'offense et quant à la peine, non seulement du péché originel, commun à tous les hommes, mais des péchés propres à chacun de nous, à la condition que nous participerons à sa passion par la foi, par la charité et par les sacrements, il nous a donc ouvert le ciel en souffrant pour nous. C'est ce qu'exprime l'apôtre en disant, « Le Christ, qui est venu comme pontife des biens futurs, est entré une seule fois dans le sanctuaire avec son propre sang, et il nous a obtenu une rédemption éternelle. » Hébreux 9, 11. Note. Les saints de l'Ancien Testament avaient mérité d'entrer dans le ciel par leurs bonnes œuvres et par leur foi à la passion du Sauveur, mais aucun d'eux, avant la passion même, n'y avait pu pénétrer. Il fallait que l'obstacle fût enlevé par la vertu du sang divin, répandu pour nous. Donc, c'est bien la passion du Christ qui a ouvert les portes du ciel. Fin de la note. 6. Le Christ, par sa passion, a-t-il mérité d'être exalté? On n'en saurait douter après ces paroles de l'apôtre, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix, voilà pourquoi Dieu l'a exalté. Philippiens 2, 8. De même que celui qui s'approprie, par une injuste prétention, plus qu'il ne lui est dû, mérite qu'on lui retranche, en punition de son injustice, quelque chose de ce qui lui appartient, de même, celui qui, par amour pour la justice, se prive lui-même de ce qu'il devrait avoir, mérite qu'on lui donne, pour récompense de la droiture de sa volonté, plus qu'il ne s'est retranché. Tel est le sens de cette parole. Celui qui s'humilie sera exalté. Luc 14, 11. Or le Christ s'est abaissé lui-même par sa passion au-dessous de sa dignité, et cela de quatre manières, c'est pourquoi l'exaltation lui était due aussi sous quatre rapports. Par ses souffrances et par sa mort, il a mérité sa résurrection glorieuse, par sa sépulture et sa descente aux enfers, son ascension glorieuse, par ses opprobres, un siège à la droite de son Père et la manifestation de sa divinité, par sa sujétion à la puissance humaine, le pouvoir judiciaire, enfin, par son obéissance fidèle jusqu'à la mort, un nom au-dessus de tous les noms, afin que, comme le dit l'apôtre, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Philippiens 2, 10. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.